Oremate terdi emandu Loik Robert Oloroneko lasterkariak ogoik akotx bost kilometroen iesteko eta Samuel Teixeneren marka hiru minutuz gainditzeko, ogoita bost urte baizik ez ditu eta helburuak gora ditu. Là, je pars dans les Alpes 4 mois m'entraîner en faire une préparation à ski, travailler aussi et préparer la saison 2025 pour les mondiaux qui sont à Canfranc, qu'on va essayer de faire la sélection. Bigarren Kevin Lago xibrotarra izan da eta hirugarren Teixeneren landestarra, emazteetan Emili Pañeen daiaga nagusitu da, lehen parte hartzea zuen, baina ez du Diana Larraburu Dona Martiritarrak jaz ezari denbora iraulia ari izan. Je fais plutôt de l'ultra, du long. Là, je reviens de la Réunion, la Bourbon, et là, du coup, c'était... Non, c'est pas trop mon format, mais c'était trop chouette, et on s'est régalé. Melani Foliolek bigarren egindu eta Camille Naomek hirugarren. Amairu kilometrokoa aipatzeko Pascal Saint-Pierre ustaristarrak irabazidu. Ici c'est la première, histoire de mettre un dernier dossard en fin d'année, une belle découverte, un parcours sympa, hyper rapide, t'inspire au départ et t'expire à l'arrivée, un super parcours. Bigarren Toni Bono izan da eta hirugarren Michel Giltzu, eta emazteetan Carole Duars-Puk senpereko taldeko hiriburutarra zaluena izan da, usatua da ibilbide luzeagoen lasterkatzeko, baina kolpaturik egon ondotik, zuhurki jokatzea nahiago izan du. J'ai pas encore la course pour le verre, donc voilà, je repars gentiment, et voilà, je suis très contente. Bigarren Olivia Martin Avironeko korrikalaria izan da eta hirugarren Mailiz Bertzaiz.